La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, mardi, deuxième moment de notre série consacrée au dernier prix Nobel français de littérature du temps où on en décernait encore, Patrick Modiano. Modiano est donc bien né en 1945, même s'il a longtemps falsifié sa date de naissance pour la faire correspondre à celle de son frère Rudy, mort d'une leucémie alors qu'il était encore enfant. Ce frère qui constituait son lien le plus fort avec une famille qu'il a souvent décrite comme dysfonctionnelle dans Un pédigré notamment. De ses années d'enfance, nous parlions hier avec Denis Cosnard au cours d'une émission que vous pouvez retrouver en podcast. Alors Modiano est né après la Seconde Guerre mondiale, mais les fantômes de l'occupation l'ont presque tout de suite hanté, car dans sa chambre d'adolescent avait vécu avant lui non seulement Maurice Sachs, écrivain juif versé dans la collaboration, mais également François Vernet, écrivain lui aussi assassiné à Dachau. Autant de spectres de la période de l'occupation qui hantent les romans de Modiano et dont nous parlerons justement demain. Enfin, jeudi, nous terminerons notre semaine sur la question de la mémoire et de l'oubli à travers deux romans en particulier, La Petite Bijou et Accident Nocturne. Nous serons pour ce faire en compagnie de Claude Burgelin. Et aujourd'hui, aujourd'hui, pour un panorama des grands thèmes de l'œuvre modianesque, je suis en compagnie de Bruno Blankmann, professeur de littérature contemporaine, spécialiste de Jean Echenoz, d'Hervé Guibert ou encore de Pascal Quignard, mais également de Marguerite Yourcenar, dont il a dirigé et préfacé le dictionnaire paru aux éditions Honoré Champion. Il est enfin un très grand lecteur de Patrick Modiano, puisqu'il a consacré un essai à cet auteur intitulé « Lire Patrick Modiano », publié chez Armand Collin, c'était en 2009, et réédité en 2014. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. C'est très difficile pour un écrivain d'avoir écrit une œuvre très architecturée, comme une cathédrale. Je disais ça parce que moi j'avais l'impression effectivement de poursuivre toujours le même livre, mais d'une manière discontinue, comme on peut le faire à une époque où tout est trop rapide, on ne peut pas se concentrer autant que ceux qui vivaient un temps interminable au 19e siècle. Donc c'est toujours le même livre, mais avec d'une manière un peu intermittente, où il y a des choses qui reviennent dont je ne me rends même pas compte. Et évidemment, ça donne une impression de puzzle où il manque des pièces, mais c'est toujours un peu le même puzzle. Patrick Modiano au micro de Christophe Onodibio en 2014. Bonjour Bruno Blankmann. Bonjour. Patrick Modiano, écrit-il toujours le même livre selon vous? Une question qu'on lui a beaucoup posée. Le même livre, mais à chaque fois de manière différente, puisqu'il l'écrit à chaque fois à des âges différents, et de son existence, et de sa mémoire, et de sa plume aussi. Donc il y a un certain nombre de thèmes communs qui, pour certains, deviennent des obsessions, mais qui sont réactualisés aux différents âges de sa vie et selon les différentes influences historiques, culturelles qui se sédimentent avec ce premier fond, hein, ce premier fond de souvenirs, d'expériences et d'histoires entendues. Mais alors qu'est-ce qui fait qu'on lui a posé souvent la question? Qu'est-ce qui pourrait donner précisément cette impression qu'il réécrit toujours le même livre? Je pense que c'est un de ces écrivains qui a aussi une signature. Et une signature, c'est-à-dire un style. C'est la petite musique ? Alors, c'est la petite musique, mais c'est une petite musique qui ne joue pas que des effets de sourdine. C'est une grande musique. Qui peut être aussi très, très bruyante, surtout dans les trois premiers ouvrages. Là, on était dans le tintamarre. Alors ensuite, c'est vrai, il y a une tendance à, comment dire, j'allais dire moderato cantabile, mais c'est déjà pris. Enfin, ceci dit, on est dans cette même recherche. Faire jouer le silence à l'intérieur du récit, avec des blancs, avec des trous, avec des béances, pour renvoyer à ce qui ne peut se dire, parce que c'est de l'ordre de la douleur intime, parce que c'est de l'ordre de l'interdit national, et qu'il faut forcer ce double silence, une sorte d'autocensure liée la vie familiale que l'écrivain n'a pas eue et qu'il ne cesse de mettre en scène de cette façon-là, comme une absence, comme une ruine de vie familiale potentielle. Et puis aussi, tout cet héritage que les gens qui sont nés comme lui en 1945 reçoivent à leur berceau, qui est celui d'un pays qui a trempé dans une histoire trouble. Alors vous en parlez très bien, vous arrivez à éclaircir ce qui est justement difficile à saisir chez Patrick Modiano. Et pourtant, c'est vrai que malgré tout, on a l'impression que c'est difficile de parler de l'œuvre de Patrick Modiano et de dire exactement de quoi elle est faite, parce que il y a comme des écrans, des brouillards autour de cette œuvre. Oui. Alors des brouillards, parce que si l'on voulait emprunter une catégorie qui est commune à la fois à une certaine psychanalyse et à la narratologie, à l'étude des récits, il y a ce que l'on appelle une perlaboration. La perlaboration, c'est ce phénomène qui consiste ou bien à raconter ou bien à écrire, en les travaillant, un certain nombre de situations vécues qui, par principe, résistent à la parole, résistent à l'éclaircissement, se nichent dans la profondeur de la vie psychique. Donc raconter ce qu'on ne peut pas dire. Voilà, raconter ce qu'on ne peut pas dire et en même temps travailler à intervalles réguliers la matière de sa propre vie. Dans la propre vie, disons, du narrateur des romans de Patrick Modiano, ou du personnage principal, dans ces espèces de faux doubles de lui-même, dans cette vie, il y a une part d'opacité, il y a une part d'indicible, il y a une part de douleur que les mots n'arrivent pas à décrire en termes psychologiques, parce que cette douleur est réfractaire à l'esprit de catégorie. Elle a plusieurs origines, plusieurs causes qui s'entremêlent, la négligence des parents, la compromission du pays dans lequel on est né, le fait que ce pays qu'on pensait être sien, on le découvre comme étant un pays de toute fraîche extraction, au regard des origines et du père et de la mère, puis ensuite les deuils de l'enfance, le frère, entre autres. Tout cela fait que l'écriture, quand elle vient, fraye, avec bien sûr un imaginaire et un rapport à la langue, qui sont, pour employer un gros mot, allez, le don de l'écrivain, mais fraye aussi avec une part de ressenti, une part de vécu, mais de vécu non direct, de transmission, voyez, et de transmission altérée. Alors, on va déployer tout ce que vous dites et puis essayer aussi de trouver des exemples. Bien sûr. Tout au long de cette émission. Avant cela, j'aurais voulu vous poser la question du récit, de la narration. de l'histoire, pas au sens de la grande histoire, mais de l'histoire avec un petit H. Est-ce que c'est important pour Patrick Modiano, ou est-ce que finalement c'est simplement un support à autre chose et à tout ce que vous venez de dire d'une certaine façon? C'est capital. C'est capital à la fois en tant que médium, agencer des mots en une histoire, c'est ce qu'il cherche à faire en tant que romancier. Et ce qu'il parvient très bien à faire. Donc l'intrigue, voilà. Voire le suspense, hein, compte voilà. Beaucoup. Il y a une intrigue, il y a un suspense, il y a des personnages, il y a des situations, il y a des lieux, il y a des décors. On n'est plus dans une sorte de veine moderniste qui voulait faire table rase du passé du roman. On n'est pas dans la recherche formelle pour elle-même. On n'est pas dans la recherche formelle autosuffisante, autarcique. Parmi les grands noms qui ont inspiré l'auteur, enfin inspiré indirectement, par même s'il leur rend hommage parfois dans ses lectures, il y a quelqu'un comme Simenon. On retrouve une atmosphère d'ailleurs qui peut être un petit peu celle de Simenon. Qui est un grand auteur d'histoire, un grand raconteur d'histoire. Il y a aussi, on l'a un peu oublié parce qu'on les a oubliés, un certain nombre d'auteurs que l'on appelait les hussards. Il a eu le prix Roger Nimier d'abord pour son premier roman. Voilà, pour La Place de l'Étoile. Donc il est l'héritier par ses lectures de cette tradition qui se reconnaît tout à fait dans une histoire, une intrigue, des personnages, davantage que dans un nouveau roman, et plus encore dans les expériences les plus radicales comme celle de Tel Quel ou de Change, qui étaient contemporaines de ses débuts. Mais est-ce que ça le classe politiquement, ou est-ce que ça le classe quelque part dans un groupe littéraire? Non. C'est un électron libre. Alors, c'est un électron libre, mais des électrons libres, finalement, avec la distance du temps maintenant, on se rend compte qu'il y en avait un certain nombre. Si vous prenez la date clé de 1968, la publication de La Place de l'Étoile, vous avez deux autres électrons libres qui, à quelques semaines, publient une œuvre qui va connaître un très très grand succès et qui reste dans les annales. Vous avez Marguerite Yourcenar pour L'Œuvre Noire, publiée en mai 68, il faut le faire. Yourcenar, c'était pas non plus le nouveau roman. Oui. Et puis Albert Cohen pour Belle du Seigneur. Mais ce sont trois romans qui sont totalement hors des événements de 68, totalement hors du temps. Et c'est ça peut-être qui les rapproche, justement, ce côté atemporel. Oui, oui, oui. Alors, qu'ils soient hors du temps et des frasques de ce temps et des modes de ce temps, tout à fait. Qu'ils soient décalés par rapport à ce dont ce temps accouche, je ne le pense pas véritablement. La Place de l'Étoile, c'est quand même une magnifique révolte. Donc qui fait écho à 68. Comme L'Œuvre Noire avec le personnage de Zénon, qui est une espèce de héros peut-être pas comme Belle du Seigneur. Je vous accorde que là, il faudrait nuancer l'exemple. Mais chez Modiano, les trois premiers romans sont quand même trempés dans un vitriol qui est celui de la révolte. En fait, c'est un livre, on peut pas dire que ça soit vraiment un roman, c'est plutôt un livre sur les caprices ou de la mémoire ou les souvenirs qui reviennent déformés dans un demi-sommeil ou dans... oui, alors les souvenirs sont souvent complètement incomplets ou inachevés ou parce qu'on sait pas ce que sont devenus les gens après. Et ça vous donne toujours une impression de discontinuité, Donc c'est plutôt une sorte de rêve éveillé, quelqu'un qui essaye de retrouver des gens qu'il a rencontrés comme ça, mais où tout se mêle, parce qu'en fait le souvenir se mélange avec l'imaginaire. C'est-à-dire, c'est compliqué, parce qu'en fait, ce qui est paradoxal, c'est que ce livre, oui évidemment ça résume un peu ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire que je peux pas dire que ça soit de l'écriture automatique comme le pratiquaient les surréalistes, ou des gens comme Desnos qui arrivaient à, comme ça, d'un seul jet à, là, c'est un peu le même système, mais c'est après retravaillé d'une manière C'est difficile à expliquer parce que c'est pas du tout improvisé. C'est en même temps, c'est comme si on se mettait dans un état de rêve éveillé et d'essayer de transmettre peut-être à celui qui va lire le livre l'état dans lequel on est, où il y a des choses qui passent, comme si vous dirigiez un peu une sorte de rêve. La compagnie des auteurs sur France Culture, on vient d'entendre une archive de Patrick Modiano, Bruno Blankmann, où il est un petit peu question de l'effet que Patrick Modiano souhaite impulser chez le lecteur. Quelle est la place précisément du lecteur dans le dispositif? Vous dites qu'il s'agit de faire en sorte que ce lecteur se trouve dans la situation qui est la situation des personnages. C'est bien cela ? Oui. C'est-à-dire que le lecteur, sa position est un peu double. C'est-à-dire qu'il peut avoir l'impression ou l'illusion d'être laissé en liberté, justement parce que, comme le dit l'auteur dans cet extrait, il n'y a pas une construction dirigiste de l'histoire. L'auteur n'est pas pris par la main. Donc il faut être très proactif, voilà, quand on lit un livre de Patrick Modiano. Exactement. Il y a des effets de collage ou de faux collage. On bascule d'une partie d'histoire à une autre. Les personnages changent. Les temporalités, le temps, les années ne sont jamais véritablement fixées, définis, parce que on est plongé dans une sorte de psyché ou de vie psychique qui est celle du narrateur ou d'un narrateur, personnage narrateur, qui entre conscience et rêve revisite ou est revisité par des épisodes de son propre passé. Alors on peut avoir l'impression en tant que lecteur de ne pas être guidé, mais en même temps ce sont des livres extrêmement, non pas dirigistes, mais qui poursuivent certaines lignes parallèles. C'est-à-dire que ce ne sont pas des livres laissés à l'abandon. Ce sont des montages, ce ne sont pas des collages. Ce qui fait que il y a des logiques ou des dynamiques romanesques différentes qui interfèrent avec chacun leur personnage, chacun leur histoire, et finalement tout... rien ne s'achève, tout se replie, tout se referme, avec ces eaux dormantes qui sont celles de la conscience et de la mémoire. Voilà, le mot de conscience est très important. Il y a quelque chose comme, pas de l'écoute flottante, mais de la lecture flottante quand on est pris par un roman de Patrick Modiano, parce que on ne peut pas s'empêcher de penser, en effet, à autre chose en même temps qu'on lit les histoires, et notamment à travers les lieux qui sont cités sans cesse pour les habitants de Paris ou les personnes qui ont eu la possibilité de venir à Paris, de se balader un petit peu dans les quartiers, on retrouve sans cesse des lieux que l'on connaît aujourd'hui, et on apprend que dans ces lieux il y a eu des déportations par exemple, que des histoires se sont déroulées dans ces endroits, et c'est pour ça que le lecteur peut-être est totalement immergé en tant que lui-même, comme étant presque un personnage du roman Bruno Blankmann. Oui, on bute contre des réalités constantes, qu'elles soient d'ordre historique ou d'ordre géographique, les arrondissements parisiens, et puis des recherches qui ont été faites par l'écrivain dans des archives pour reconstituer tel ou tel événement qui se sont déroulés dans tel ou tel immeuble de tel ou tel quartier, avec des quartiers de prédilection, comme le 18e arrondissement, bien sûr. On reviendra justement un petit peu aux arrondissements de Paris. On y reviendra. Tout cela ne serait rien s'il n'y avait pas l'investissement de ces lieux réels par l'écriture du rêveur. Par l'écriture du rêveur. Et puis... C'est le rêve éveillé dont il était question dans l'archive qu'on a entendu. Voilà, c'est le rêve éveillé. Alors, ce qui n'est pas non plus une écriture de somnambule, c'est le rêve éveillé, c'est le rêve dirigé. C'est aussi ce grand principe qui était un principe surréaliste à la base. Dis-moi qui te hante, je te dirai qui tu es. Hein, et ce qui hante le personnage narrateur de Modiano, quel qu'il soit, ce sont un certain nombre de lieux ou de faits qui leur sont attachés et des personnages aussi. Et s'il fallait aussi, je crois, rajouter autre chose, il me semble que Modiano est un écrivain au sens fort du terme. C'est quelqu'un qui écrit et qui écrit d'une manière d'autant plus admirable et superbe qu'il efface toutes les coutures de son travail. Mm-hmm. Il n'y a rien de laborieux. Au contraire, il se dégage de ses phrases une impression de très grande aisance, de très grande facilité. Et c'est là où il y a du classicisme aussi. Oui, absolument. Mais en même temps, du classicisme un peu plié, un peu allégé. Et dans Souvenir dormant, j'ai été frappé entre autres par cette phrase magnifique. Il parle d'une des héroïnes de ce roman. Elle marche à côté de sa vie. Mais d'un pas léger et souple, comme une danseuse. Eh bien, Modiano écrit de cette sorte aussi. Mm-hmm. D'un pas léger et souple. Voilà, on est dans la prose, c'est-à-dire dans le pas, dans l'avancée. Hein, c'est le sens premier de la notion de prose. Mais en même temps, cette prose est légère comme une danse. Elle est travaillée comme une chorégraphie. Je prenais goût à ce travail annexe dont il me chargeait. Découvrir des œuvres d'art et les rapporter aussitôt au square Shimarosa. Le matin, je m'introduisais chez de riches particuliers qui avaient quitté Paris à la suite des événements. Il suffisait de crocheter une serrure ou de réclamer la clé au concierge en exhibant sa carte de police. Je fouillais minutieusement les maisons abandonnées. Leurs propriétaires, en partant, y avaient laissé de menus objets, pastels, vases, tapisseries, livres, manuscrits. Cela ne suffisait pas. Je partais à la recherche des garde-meubles, lieux sûrs, cachettes susceptibles d'abriter en cette époque de troubles les collections les plus précieuses. Un grenier de la banlieue Est où m'attendaient des gobelins et des tapis persans. Un vieux garage de la porte Champéret, encombré de tableaux de maître. Dans une cave d'Auteuil, une mallette renfermant des bijoux de l'Antiquité et de la Renaissance. Je me livrais à ce pillage le cœur léger, et même avec une sorte d'allégresse dont j'aurais honte, plus tard, devant les tribunaux. Nous vivions des temps exceptionnels. Les vols, les trafics devenaient monnaie courante, et le Khedive, jugeant de mes aptitudes, m'employait à la récupération des œuvres d'art plutôt qu'à celle des métaux non ferreux. Je lui en étais reconnaissant. J'ai connu de grands bonheurs esthétiques. Par exemple, devant un Goya représentant l'assassinat de la princesse de Lamballe. Son propriétaire avait cru le préserver en le cachant dans un coffre-fort de la banque franco-serbe 3 rue du Helder. Il a suffi que je montre ma carte de police pour qu'on me laisse disposer de ce chef-d'œuvre. Compagnie des auteurs, et cet extrait du livre Ronde de nuit, lui ici par Pierre Constant, Bruno Blankmann. C'est vrai que c'est difficile d'écouter des extraits aussi courts de Patrick Modiano, parce que précisément c'est une littérature dans laquelle il faut se laisser envelopper et qu'on peut difficilement comme ça saisir en écoutant simplement 2 minutes. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de Ronde de nuit et peut-être dans la perspective du rapport à l'histoire de Patrick Modiano et du rapport au passé, parce que c'est quand même l'un des fondamentaux de son écriture, en commençant peut-être par expliquer un petit peu ce que c'est que ce livre Ronde de nuit et de quoi ça parle. Oui, alors Ronde de nuit, l'histoire racontée, c'est celle d'un personnage qui va se retrouver être à la fois pendant le Paris de l'occupation, et dans le Paris de l'occupation, du côté des résistants et du côté des collaborateurs. Ça, c'est et un thème très hussard, très voilà, Nimier, pour le c'est, coup. C'est Nimier, les épées, hein, qui, dès 1948, avait consacré ce roman à ce thème-là, de la double trahison. Et c'est aussi l'époque où Modiano, alors c'est son deuxième roman, hein, après La Place de l'Étoile et avant Boulevard des Ceintures, et c'est vraiment un triptyque qui est un triptyque de l'ironie vengeresse. On est très loin du Modiano que vous avez lu, du Modiano de 2018, hein, d'Eau dormante. On est dans une écriture caustique, on est dans une écriture expressionniste, on est dans une écriture du règlement de compte. Ça, c'est le premier Modiano, c'est le, voilà, le Modiano de jeunesse. C'est le premier Modiano. Il faut se mettre à la place de quelqu'un qui, à l'époque, a 23 ans. Quand il publie son premier livre, et qui a découvert que a compris qu'en 1945, date de sa naissance, il héritait, lui et toutes celles et ceux nés la même année, d'un cadeau empoisonné qui s'appelait la compromission, la collaboration, les crimes en partage de la déportation, autant de thèmes historiques, hein, qu'il va traiter dans un premier temps sur le mode de la violence et du règlement de compte radicaux. Il s'agit finalement de faire payer aux aînés, à ceux qui ont trahi non seulement leur pays, mais la cause de l'humanité, et puis leurs propres enfants, en leur léguant ce monde de la corruption et de la faute. Il faut les faire payer au prix verbal, esthétique, romanesque de leur forfait. Et ça passe par quoi, stylistiquement ? Ça passe par une violence extrêmement... Alors, une violence d'autant plus provocante qu'elle passe par l'ironie. Par exemple, dans La Place de l'Étoile, c'est le pastiche. Le pastiche des grands écrivains antisémites, et il remonte loin, hein, il remonte jusqu'à Joinville, historien des temps anciens, et puis il se rapproche des temps plus récents avec des pastiches de Céline, par exemple. Et dans La Place de l'Étoile, c'est vraiment cette idée de mettre en scène aussi, parce que il est déjà dans une sorte d'esprit de finesse qui fait que il se pose la question de savoir finalement ce que lui-même aurait fait en quelque sorte en pareille circonstance. Qu'est-ce que ça signifiait aussi avoir 20 ans au milieu des années 40, hein. Et il y a cette figure du double traître qui est d'autant plus prise au piège qu'il a conscience que celui-ci se referme sur lui. Donc ça se retrouve dans la désinvolture de ses premiers romans. Au fond, l'ironie féroce, la drôlerie caustique et un esprit de provocation qui est à la fois complètement éloigné de ce que sont les préoccupations de la France de 1969, et en même temps qui font l'effet d'une bombe. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que si la France s'est reconstruite, c'est aussi au prix d'une espèce de grande autocensure que ceux qui étaient du bon côté, c'est-à-dire les résistants, qu'ils soient gaullistes ou communistes, d'un commun accord, ont développé comme une sorte de vérité historique, à savoir la France, c'était la résistance. Et vous avez un trublion, Modiano, qui montre que les choses étaient quand même un petit peu plus complexes. Et alors comment se passe l'évolution de Modiano ? Parce que après cette première partie d'œuvre expressionniste, hein, comme vous le démontrez en ce moment, il y a un passage au minimalisme, celui qu'on connaît davantage d'ailleurs. Oui. Qu'est-ce qui se passe finalement chez lui, d'après vous ? Est-ce qu'à un moment donné, sa rage est dissipée et ça laisse la place à la mélancolie, ça laisse la place à d'autres types de sentiments ? Oui, je pense qu'il y a effectivement une énergie extrêmement juvénile, non pas sur le plan de la composition du style de l'écriture, qui sont déjà très aboutis, mais sur celui des motivations d'écrire. Et il y a donc aussi ce que le Boulevard des Ceintures, donc qui est le troisième ouvrage publié en 1972 de cette trilogie initiale, lance déjà la question du rapport au père et la question de l'intime. Donc on est davantage en effet dans une partie de carrière entre guillemets qui est intimiste. Voilà, comme s'il se recentrait finalement sur sa propre histoire. Tout en sachant qu'il s'agit d'un vrai faux recentrement dans la mesure où la figure du père le conduit à retrouver aussi ses événements historiques, puisque le père frayait avec des collaborateurs pendant l'occupation. D'où le thème de la double trahison, son père étant juif, on le sait. Exactement. Hein, une sorte comme cela de mise en abîme de la figure du traître. Alors on va continuer de parler de cela avec vous, Bruno Blankmann, mais comme chaque jour dans cette émission, je vous propose d'entendre aujourd'hui Jérôme Dupuis de l'Express pour En compagnie des revues. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et bonjour Jérôme Dupuis de l'Express, je l'ai dit, notre partenaire un mardi sur deux. Demain, vous publiez dans l'Express une enquête sur les nouvelles traductions de grands classiques de la littérature. Pourquoi ce choix-là ? Il y a une forte recrudescence des retraductions. On a pas mal entendu parler de celle de 1984 d'Orwell au printemps. On parlera d'ailleurs la semaine prochaine d'Orwell dans cette même émission. Ah, et la dernière traductrice a donc osé supprimer la fameuse novlangue pour la remplacer par le néo-parlé. Et alors, vous êtes d'accord avec cette nouvelle traduction de ce mot ? Pas du tout. Non, pas du tout. Ah. C'est quand même rentré. José Camoun, alors. Oui, c'est rentré dans le dictionnaire quand même, cette novlangue. Et puis, on a eu des retraductions d'Italo Calvino récemment, de Dante. Demain sort une nouvelle traduction de L'île au trésor de Stevenson. Et tout Kafka va apparaître en Pléiade en octobre. On en parlera aussi. Sous la forme de nouvelles traductions. On considère en général, c'est une espèce de règle non écrite dans l'édition, qu'il faudrait retraduire tous les 50 ans les œuvres, parce que la langue a bougé, la langue a vieilli. Au 19e siècle, encore au début du 20e siècle, on avait un peu tendance à faire des traductions convenables, un peu didactiques, où tout le monde s'exprimait bien. Je vais vous donner un exemple. Dans L'île au trésor, dans les anciennes éditions, les pirates parlaient comme des duchesses. Ouais. Voilà, par exemple, comment ils s'adressaient à leur capitaine. « Mille excuses, tu en prends à ton aise avec certaines règles. Peut-être consentiras-tu à respecter les autres. » Non, mais c'est comme ça qu'on parle sur les bateaux, pirates, bien sûr. Et dans la nouvelle traduction, qui respecte beaucoup plus le langage parlé avec les mots avalés, ça devient « Sauf votre respect, monsieur, vous prenez votre thèse avec certaines règles. Vous serez peut-être aimable d'observer les autres. » Donc c'est vrai que là, on voit qu'il y a une sorte d'évolution. Alors, est-ce qu'il y a vraiment des grandes différences, bon, on vient d'entendre une, mais d'une traduction à une autre qui justifie qu'on retraduise tous ces grands textes ? Alors, on s'est amusé à prendre une des phrases les plus célèbres de la littérature mondiale, qui est la première phrase de la Métamorphose. Quand Grégor Chamsa se réveille un beau matin, il est transformé en quelque chose. Et on s'est amusé à voir en quoi, parce qu'en allemand, le terme Ungeziefer, ça désigne un nuisible en général. Et donc, on a repris toutes les traductions depuis celle de Vialat en 1928. Et on s'aperçoit qu'en 1928, Grégor Chamsa est transformé en une formidable vermine. En 1988, il est transformé en un monstrueux insecte. Mmh. En 1989, il est transformé en un énorme cancrelat. Ah, c'est déjà plus précis. On le voit mieux. En 1997, il est transformé en une énorme punaise. Ah, oui. Et dans la nouvelle version qui va apparaître donc dans quelques semaines en Pléiade, il est transformé en une énorme bestiole immonde. Donc oui, effectivement, vous le voyez, il y a pas mal de différences, ne serait-ce que dans le cas de Kafka, par exemple, parce que, sans refaire toute l'histoire avec Max Brod, mais les traducteurs actuels ont accès aujourd'hui au manuscrit originel de Kafka. Donc évidemment, ils peuvent s'accrocher vraiment au texte original. Et puis après, il y a des modes, entre guillemets, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'aime plus beaucoup le passé simple quand on traduit l'anglais. Il n'est pas très précieux, le prétérit en anglais, mais en français, ça passe mal, le passé simple. Donc que ça soit dans Orwell ou dans Stevenson, on a un peu tendance à le faire disparaître. Alors vous évoquez également dans ce dossier de l'Express l'auteur de Polar, Ross MacDonald. Est-ce que les romans noirs sont également touchés par cette mode de la retraduction ? Oui, ils le sont beaucoup parce que le polar est un genre qui est très immergé dans son époque, qui est très daté, qui est très dialogué. Et par exemple, dans la série noire... Vous parlez comme des duchesses aussi Non, pas du tout, au contraire. Les gangsters. Ils parlaient tous plutôt comme des proxénètes. Et c'est vrai que dans toutes les séries noires des années 50, les traducteurs d'aujourd'hui appellent ça les traductions Grisby. C'est-à-dire ils parlaient tous comme dans Touchez pas au Grisby. Et aujourd'hui, cet argot de Pigalle est complètement démodé. Et donc, on a des nouveaux traducteurs, comme Jacques Mayos, par exemple, pour Ross MacDonald, qui refont des traductions qui sont peut-être avec une langue qui est plus dans l'air du temps et qui respecte par ailleurs aussi plus le texte original. Mais à la fin, c'est une dimension marketing qui prévaut. Est-ce que ce n'est pas ça justement qui fait qu'on retraduit cette envie de faire parler de nouveau des classiques de la littérature ? Bah si, la preuve, nous en parlons en ce moment sur France Culture. Nous sommes des victimes du marketing. Absolument. Évidemment, dans ces retraductions, il y a aussi une petite part de marketing. D'ailleurs, souvent, les éditeurs aiment bien changer les titres des livres qu'ils retraduisent pour donner justement le signe de la nouveauté. Là aussi, on s'est amusé à prendre un exemple qui est celui de To the Lighthouse de Virginia Woolf. Au fil des ans, ce roman s'est appelé La promenade au phare, puis il s'est appelé Voyage au phare. Il s'est ensuite appelé Vers le phare et maintenant il s'appelle Au phare. Mmh. Donc effectivement, on s'aperçoit qu'il y a des petites arrière-pensées commerciales. Et dans le cas d'Orwell, c'est encore plus clair. Orwell étant mort en 1950, il allait tomber dans le domaine public en 2020. Autrement dit, Gallimard n'allait plus avoir le monopole des traductions d'Orwell. N'importe qui aurait pu le faire traduire et le publier. Et donc, qu'a fait Gallimard, 2 ans avant qu'il ne tombe dans le domaine public, ils ont fait cette traduction très novatrice, avec beaucoup de battage. Et ils en ont vendu 25 000 exemplaires, ce qui est beaucoup pour une retraduction. Et comme me l'a dit un éditeur, pourquoi voulez-vous qu'en 2020, on s'amuse à retraduire une nouvelle fois Orwell alors que Gallimard vient d'assécher le marché ? En même temps, 1984, on peut difficilement le traduire autrement que par 1984, quoique. Merci beaucoup, Jérôme Dupuis. Et je renvoie nos auditeurs au numéro de l'Express actuellement en kiosque et en particulier, bien entendu, sur les pages culture et les pages livres. À très bientôt. Toujours la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture, au deuxième jour de notre série consacrée au prix Nobel français de littérature Patrick Modiano, dont on écoute un extrait d'entretien sur sa façon d'écrire. C'était en mars 2010 et il répondait à Kathleen Evin. C'est beaucoup plus facile de travailler sur un volume assez important, vous faites des suppressions, vous. Mais évidemment, c'est comme j'ai de la difficulté à écrire longtemps. En général, c'est toujours du travail sur quelque chose d'assez qui est déjà assez épuré instinctivement. C'est-à-dire que ce serait plus facile de travailler dans une masse, comme un sculpteur. Là, c'est un travail plus compliqué parce que les choses sont déjà un peu laconiques. Enfin, alors il faut faire de la microchirurgie, c'est-à-dire que vous ne finirez pas par écrire des haïkus, quand même, Patrick Modiano. C'est une tentation ? Non, parce qu'en même temps, si vous voulez, je me sens. Enfin, c'est idiot d'employer des grands mots. Je me sens plus romancier parce que j'ai besoin qu'il y ait une atmosphère, c'est compliqué, parce que le côté un peu abstrait, oui, j'ai besoin qu'il y ait une atmosphère, enfin, quand je dis une atmosphère, une sorte, évidemment, c'est un peu paradoxal ou contradictoire avec ce besoin d'épure, parce que j'ai besoin d'avoir le décor en tête, les gestes des gens, les silhouettes, tout ça, une masse un peu romanesque, qui fait que je peux pas tout parvenir à une épure telle que les poètes ou les... Parce qu'en fait, on est un prosateur, un bon roman, enfin un romancier. Chaque prosateur ou romancier, au fait, c'est un mauvais poète. Il y a un mauvais poète en lui, c'est-à-dire quand j'étais très jeune, évidemment, j'essayais d'écrire de la poésie et en fait, j'ai l'impression que la prose ou le roman, c'est un peu l'échec de ne pas avoir été un poète. À quoi pensiez-vous, Bruno Blankmann, en écoutant cette archive de Patrick Modiano ? J'entendais, de manière muette, sa voix d'auteur et les empreintes de cette voix, oui, parce que il n'y a pas effectivement passage à la poésie définie strictement en tant que genre avec ses propres codes, y compris de la poésie qui serait de la poésie en prose. Il y a une charge poétique qui accompagne les histoires, qui accompagne les portraits des personnages, qui accompagne les atmosphères. Et cette charge-là, elle ne va pas contre un certain principe de réalité matérielle, événementielle. Il y a des faits, il y a des portraits, il y a des situations qui sont, on ne peut plus, prosaïques. Mais, me semble-t-il, ce qui confère cette dynamique poétique, ce sont les effets de collage ou le fait qu'il y a des ellipses dans la narration. Mm-hmm. Il y a des ellipses aussi dans les motivations prêtées au personnage, comme si le narrateur nous confrontait à sa propre difficulté, vous voyez, d'aller jusqu'au bout de l'histoire qu'il racontait et nous convient à partager un certain refus qui est celui d'achever ces personnages histoire. C'est une narration En suspens. En suspens et puis oui. Qui s'intéresse à la marge plutôt qu'au centre, qui s'intéresse, selon l'expression que vous avez employée, je crois, qui se dessaisit de son propre objet. Oui, il n'y a pas, si vous voulez, d'ordre de raison suffisante dans les romans de Modiano. Une explication ne peut être à telle ou telle situation, à telle ou telle difficulté rencontrée par les personnages, à tel ou tel geste. Une explication n'est jamais qu'une hypothèse qui semble s'effacer. Au fur et à mesure que les personnages continuent le parcours, la trajectoire qu'il aurait attribué. Et qu'est-ce qui tomberait finalement, qu'est-ce qui n'existerait plus si Patrick Modiano expliquait davantage? Il n'écrirait plus des romans de Patrick Modiano, ça deviendrait autre chose? Un principe de mystère en fait, un principe de mystère qui entretient à la fois le côté prose, c'est-à-dire... Je raconte une histoire avec un suspense, mais en même temps, sans résolution. Cette histoire, elle est suspendue. Cette histoire, elle est complexe, donc elle ne se satisfait pas d'un ordre de raison. Elle ne se satisfait pas de l'arbitraire classique du romancier. Et précisément, toute cette complexité, on l'entend très bien dans la manière qu'a Patrick Modiano de parler. On l'entend dans les archives. Lui-même ne décide jamais vraiment de ce qu'il souhaite dire, parce que ce qu'il souhaite dire est toujours bien plus compliqué que la manière simple qu'on aurait de dire cette chose-là. Et donc, il hésite tout le temps, il ne termine pas ses phrases, il emploie toujours le mot « bizarre », parce que finalement, c'est ce mot-là de « bizarre » qui est le plus précis, oui. Quand la réalité est en effet mouvante, changeante et complexe. Oui, il y a cette idée aussi qu'il est véritablement l'écrivain qui coïncide peut-être le mieux à partir du moment où il commence à écrire, ou du moins à partir de Villa Triste, avec une nouvelle manière de penser le monde. Non pas comme totalité close, non pas comme expérience ou somme d'expérience que l'on peut totaliser, décrire, expliquer, avec cette idée que finalement plus le XXe siècle avancerait et plus le principe de rationalité scientifique, mais ça vaut aussi pour les sciences humaines, serait performant, et que nous vivrions dans un monde qui nous livrerait toutes ses clés, ou du moins la majorité d'entre elles. Au contraire, Patrick Modiano, c'est un des écrivains qui fait avec la nouvelle ère du doute, qui est entraîné par le fait justement que plus les savoirs s'accroissent, et plus l'inconnu du monde devient important aussi. Et finalement, une des choses sur lesquelles on peut se reposer un petit peu dans cet univers fait de doutes, c'est peut-être sa propre expérience. Et c'est peut-être là où la question de l'autobiographie revient sur le devant de la scène. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de la place du jeu, de la place de l'autobiographie dans les textes de Patrick Modiano, Bruno Blankmann. Oui, alors c'est une autobiographie toujours un peu suspecte. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des personnages comme le père, la mère et des personnages autres que l'écrivain a raconté, mais ces personnages, si vous voulez, au bout de 4, 5, 6 décennies de récurrence d'un roman à l'autre, sont devenus pleinement des personnages littéraires, aussi littéraires, aussi romanesques. Ils ont une charge romanesque aussi forte que les personnages de Balzac ou de Gensu, en raison de cette histoire qui, pour certains, est une histoire récurrente. Les autres personnages, ceux que l'on découvre ou dont on a eu un premier aperçu et qui reviennent sous une autre apparence dans certains livres, ils ont un mystère, ils conservent un mystère. Ils ne sont réductibles à aucune psychologie. Il n'y a pas, ou très peu, d'introspection. Il n'y a pas d'état d'âme qui serait analytiquement étudié. Il y a des attitudes, il y a des gestes, et surtout il y a des situations. Sartre parlait d'un théâtre de situations. Chez Modiano, on est dans des romans de situation. Et ce sont ces situations qui donnent corps et qui donnent une sorte de principe psychique aux personnages eux-mêmes et à leur interaction. Des situations qui sont partiellement vécues, qui ont été vécues, mais qui sont sans cesse réinventées. Oui, parce que ce sont des situations qui sont aussi projetées de l'intime même de la pensée ou de la conscience ou de la semi-conscience de l'écrivain lui-même. Ce sont des personnages qui appellent d'autant plus une volonté d'élucidation qu'ils sont toujours saisis en situation et que ces situations sont toujours posée comme déterminante pour celui qui raconte l'histoire et qui semble les retrouver. Avec cette idée que les personnages narrateurs de Modiano, eh bien, ils vieillissent en même temps que lui. Mais toujours avec ce principe d'incertitude, d'interrogation et cette capacité d'être en quelque sorte compromis par une matière qui est celle de leur propre vie, par des événements qui brusquement ressurgissent et qui créent des situations nouvelles. Donc Modiano revient sans cesse sur un certain nombre d'épisodes qu'on retrouve d'un roman à un autre, pas toujours raconté exactement de la même façon, avec un éclairage différent, souvent en rapport avec ses parents d'ailleurs. Il est beaucoup question de ce qui se passe au 15 Quai Conti, dans les appartements et sur les paliers aussi d'ailleurs. Sur cette question de la famille justement, on a l'impression qu'il y a chez Modiano une espèce de reprise de la tradition du famille je vouais, et que finalement on tape un peu sur la famille comme l'ont fait Gide, Mauriac, d'une manière qui lui est propre. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur ce sujet-là ? Oui, vous avez tout à fait raison. Sauf que, en l'occurrence, là, pour le coup, s'il y a, entre autres, volonté d'écrire, c'est parce qu'avant de taper sur la famille lui a tapé dessus. Mais après, il tape aussi sur le couple, il tape aussi sur le groupe. On sent qu'il ne se sent pas bien dans le collectif. Oui. Alors, il y a indéniablement cette veine romanesque du famille je vouais, hein, qui apparaît avec Gide et que l'on va retrouver jusqu'à la fin du XXe et même au-delà. Hein, avec c'est pas l'un des premiers romans de Christophe Honoré, l'infamille, mot valise. Bon, qui renvoie aussi à ce dont parle Modiano. Mais je pense aussi que ce qu'il y a de frappant chez Modiano, c'est que le narrateur, quel que soit son âge supposé, est toujours un enfant perdu, à tous les sens du terme. Et vous prenez un de ses derniers romans, « Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier », 2014. Le personnage qui avoue être sexagénaire, et c'est aussi quelqu'un qui vit replié comme un enfant perdu, comme un enfant timide, et qui revisite son passé de manière extrêmement douloureuse, un passé qui le reconduit à une épreuve de l'enfance et une attitude qui est celle de l'enfant abandonné, de l'enfant perdu parce que laissé pour compte par non seulement la mère mais aussi la figure de substitution de la mère. Donc il y a vraiment cette idée que on est un peu dans la psychanalyse là presque. On est dans l'ordre du trauma, de ce que l'on appelle le trauma. Le trauma par principe, ce sont des épreuves douloureuses que l'on surmonte, mais qui régulièrement assiègent de nouveau. C'est le sens du mot obsédé. Assiégés, assiègent comme des obsessions les individus, quel que soit leur âge. Alors, sans ramener l'œuvre de Modiano à une sorte de vulgate psychanalytique, c'est quelqu'un qui, avec les armes qui sont les siennes, c'est-à-dire la fiction, et surtout les mots, et la capacité de produire des histoires qui n'enclosent pas une fin véritablement rationnelle, mais qui sont ouvertes à un principe d'incertitude et donc d'inconscient, c'est quelqu'un qui sait montrer comment il y a ce travail de perlaboration, c'est-à-dire ce travail de règlement de compte avec son propre passé, qui assiège, qui obsède, quels que soient les âges de la vie, et chaque fois selon des modalités différentes. Et ce règlement de compte avec le passé, il passe par des promenades incessantes, on a commencé de le dire tout à l'heure, dans Paris. Je vous propose d'écouter justement ce que Patrick Modiano disait à ce propos-là. En fait, c'est plutôt des impressions que j'ai eues assez jeune, enfin dans l'enfance ou l'adolescence, des impressions, par exemple, de Paris, qui m'ont, et donc c'est des choses que j'ai intériorisées, mais et qui sont devenues comme une ville intérieure. C'est-à-dire, c'est pas tellement une nostalgie pour une période précise, mais c'est plutôt des impressions assez fortes que j'ai eues de Paris entre mon enfance et mon adolescence, parce que enfin, c'était un Paris, évidemment, qui ne correspond pas à celui d'aujourd'hui. On pouvait avoir des espèces d'impressions assez fortes. C'était une ville assez étrange. Mais en même temps, c'est pas du tout... quand j'écris, c'est pas pour faire ressurgir le Paris des années 50 ou début 60 que j'ai connu, mais c'est devenu presque une ville intérieure, en fait, où j'ai projeté mes propres... C'était Kay Conti où vous êtes né. Oui, je suis né dans ce qui paraît bizarre. Maintenant, quand on revoit ce quartier du 6e arrondissement, qui est complètement méconnaissable par rapport à celui que j'ai connu dans mon enfance, c'est-à-dire que c'est très bizarre parce que quand je me promène, par exemple, dans ce quartier que j'ai longtemps fui parce que ça me rappelait des souvenirs aussi un peu douloureux, c'est-à-dire que j'ai une impression très bizarre parce que, vous savez, c'est comme des gens qui, quelquefois, qui ont des animaux qu'ils aiment beaucoup et après leur mort, ils les font empailler. Le 6e arrondissement, un arrondissement empaillé, nous explique Patrick Modiano. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu psychanalytique aussi dans la manière dont il parle de cet arrondissement. Il ne veut pas y retourner pendant très longtemps. C'est l'arrondissement où il a grandi et qui est un arrondissement du traumatisme. Est-ce qu'on peut parler justement de ce Paris de Modiano et peut-être de deux arrondissements en particulier pour terminer cette émission, donc le 6e et puis le 18e qui paraît un petit peu le contrepoint justement de cet arrondissement de l'enfance. Oui, alors en même temps, ce que disait Patrick Modiano, c'est, me semble-t-il, extrêmement important pour éviter peut-être parfois, non pas des erreurs, mais des... Quelles erreurs sur sa lecture, c'est en faire l'écrivain de la nostalgie. Hein. Il n'y a pas de nostalgie chez Patrick Modiano, il y a de la mélancolie, c'est tout à fait différent. La nostalgie, c'est du désir tourné vers le passé. Sauf à être masochiste, ce qui ne me semble pas être son cas, du moins n'en a-t-il pas parlé à ma connaissance dans ses romans, on n'a pas le désir de revivre des années dans lesquelles on a souffert. Voilà. Donc, par contre, il y a la mélancolie aussi, hein, la mélancolie, mais également l'euphorie, me semble-t-il, liée et véritablement éprouvée au contact de certains lieux. Et parmi cette euphorie, il y a d'une part la traversée du pont, passer d'une rive à l'autre. Hein, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement, qui est récurrent dans les romans de Modiano, franchir le pont. C'est donc, toujours euphorique de franchir un pont. Pour Modiano, oui. Enfin, dans ses romans, il y a toujours ce sentiment d'une libération, d'une désaliénation, surtout lorsque il se dirige vers le 18e arrondissement, où là, l'euphorie est liée aussi à la géographie même spécifique, à la butte, et à cette aspiration progressive vers une hauteur, donc vers une altitude. Voilà, le Montmartre, mais pas le Montmartre de la place du Tertre, le Montmartre de l'allée des brouillards, dont l'atmosphère un peu campagne et le nom même sont en soi romanesques et le demeurent. En plus, le mot de brouillard va quand même très bien à l'œuvre de Patrick Modiano. Absolument, absolument. Et alors, ce 18e arrondissement, c'est aussi, c'est aussi l'arrondissement de Dora Bruder. Hein, mais cette fois-ci dans un autre quartier qui est proche de Clignancourt. Et c'est aussi un quartier, cette fois-ci proche de la place Jules Joffre. Le cœur même du 18e, la mairie et l'église, comme un petit village face à face, qui se regarde en chien de fusil, c'est le lieu où la mère, dit-il, emmenait promener les enfants. Donc il y a une somme de souvenirs qui s'agrègent. Alors il y a la rue Colincourt aussi, qui est une rue qui monte en courbe et qui est associée toute une trajectoire, non pas d'adolescence, mais de jeune adulte amoureux. Et on comprend, Paris est un tapuscrit, un palimpseste pour Patrick Modiano. On va continuer d'en parler toute cette semaine. Merci Bruno Blankmann. Je rappelle votre ouvrage « Lire Patrick Modiano » publié aux éditions Armand Collin en 2014. Je signale également votre article dans l'ouvrage collectif « Lecture de Modiano » sous la direction de Roger Yves Roche aux éditions Cécile Defaux. Cette émission n'aurait pas pu avoir lieu sans Laurence Millet, Laurence Genepin, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Stéphanie Vellin et Jean Frédérix. Nous, on se retrouve demain pour parler, cette fois-ci, de la période de l'occupation telle que envisagée par Patrick Modiano. Nous serons pour cela en compagnie de Dominique Viard et de Laurent Douzou.